si grand soit le monde, si loin que je sois, à chaque seconde, moi je pense à toi, à ce coin de France où tu es resté avec mon enfance et mes oliviers. Mais quand tout se voile, quand meurt le soleil, il y a notre étoile. À ce même instant, elle est si fragile, perdue dans le soir. Pourtant, elle brille comme notre espoir à travers nos peines, par-dessus les jours. Que l'on s'aime comme au premier jour. La première étoile qui se lèvera, la première étoile nous protégera. Dis-lui que tu dire je t'aime au creux de tes bras.